d'analyse que vous allez utiliser pour faire votre recherche. Autrement dit, en gros, c'est vous allez exposer à vos lecteurs, à votre promoteur, aux membres du jury, quelles lunettes théoriques vous allez prendre pour vous concentrer sur un sujet de recherche, pour étudier le sujet de recherche que vous avez choisi. Donc, lorsqu'on fait un cas théorique, ce que l'on veut faire, c'est une sorte de présentation, un panorama, en fait, des théories qu'on a retenues et des définitions qu'on a retenues de certains concepts pour réaliser son projet de recherche. Donc, l'objectif, c'est d'identifier les concepts que vous allez utiliser pour mener votre recherche. C'est également, lorsqu'on fait le cas théorique, l'objectif, c'est s'arrimer à la problématique et la renforcer. En fait, je vous parlais de revue de la littérature en ouverture, le travail de revue de la littérature, c'est-à-dire d'exploration documentaire, de sélection de références et de mise en perspective des références que vous devez faire, ce travail-là, il vous sert à la fois pour documenter la problématique, quelles sont les études qui existent, qu'est-ce qui n'existe pas, est-ce que les auteurs se contredisent entre eux, etc. Et ça vous sert à la fois à alimenter ce qu'on appelle le cadre théorique, c'est-à-dire quels sont les auteurs qui ont défini le concept de telle ou telle manière, le concept d'influence par exemple, quels sont les auteurs clés qui ont travaillé sur la notion d'influence en communication. Et en les mettant en perspective, vous allez dire, ben, moi, dans le phénomène qui m'intéresse, qui est l'influence, dans le cadre d'une organisation de travail, dans un bureau, dans une petite entreprise, ou dans le cadre des médias sociaux, par exemple, je vais privilégier la définition donnée par tel auteur ou par tel autre, etc. Donc, en fait, ce que vous retenez dans votre cadre théorique, ça permet aussi de renforcer votre problématique, puisqu'en gros, c'est un peu comme si vous reveniez nous dire qu'il y a des auteurs qui ont travaillé sur des phénomènes un peu comparables et que vous allez vous en inspirer pour développer la façon d'étudier le problème précis que vous abordez. Et dans le cas théorique, donc, on fait aussi ressortir certains aspects particuliers du phénomène à l'étude, comme on va le voir un peu plus avant dans la présentation. Donc, ce que l'on appelle le cas théorique, si on veut le définir ou en donner une sorte de définition globale, c'est une sorte de compte-rendu des idées disponibles dans la littérature. Lorsqu'on parle de littérature, ce que l'on veut dire, c'est littérature scientifique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que vous épluchiez tous les journaux, toutes les JT, toutes les parutions, peu importe leur statut, qui ont parlé du phénomène qui vous intéresse. Ce qu'on veut, c'est qu'en priorité, vous recherchiez dans la littérature scientifique, c'est-à-dire dans les publications, soit de revues scientifiques, soit des publications aux presses de l'université Libre de Bruxelles, ou à d'autres presses universitaires par exemple. C'est dans ce type de publication-là qu'on veut que vous alliez chercher l'information. Donc, le cas théorique, c'est un compte-rendu de ces lectures-là, des idées qui sont disponibles dans cette littérature, et c'est également une justification de la rétention de certaines définitions, c'est-à-dire la sélection que vous faites de certaines définitions. Je parlais du concept d'influence un peu plus tôt. Par exemple, ça va être de dire, ben, je privilégie tel auteur, enfin, Katz et Lazarsfeld, par exemple, qui ont utilisé le concept d'influence sur le plan de l'influence interpersonnelle, avec la théorie des leaders d'opinion, etc. Donc, si c'est ce cadre-là qui est le plus pertinent, vous allez dire pourquoi ce sont ces auteurs-là que vous retenez, et vous allez donc devoir expliquer pourquoi ce sont eux que vous retenez au détriment des autres que vous avez trouvés. Parce qu'il peut y avoir des auteurs qui ont abordé le concept d'influence sous un angle plus économique, par exemple, ou dans une opérationnalisation de communication de masse, ou plutôt avec des préoccupations de politique internationale, etc. Donc il faut, d'un côté, que vous fassiez la liste de ce qui existe, et de l'autre côté, que vous hiérarchisiez les définitions en fait, qui correspondent le mieux à la nature de votre sujet. Donc, le cas théorique, il sert à présenter un cadre d'analyse, sur quel concept, sur quelle définition je vais m'appuyer. Et c'est-à-dire, ça permet de dire aussi, moi, dans mon mémoire, quand je parle de problème d'influence ou d'influence, ben, je fais allusion à des problématiques de leader d'opinion, de, dans un cadre plutôt informel, où une personne qui est considérée par ses pairs comme étant influente va potentiellement faire changer d'avis son entourage, etc. Donc ça permet d'éclairer le lecteur, en fait, sur ce que vous avez en arrière de la tête quand vous mentionnez un concept au fil des pages. Et ça vise donc à souligner des relations théoriques qui sont déjà prouvées, c'est-à-dire en gros des recherches déjà existantes, pour tenter de les appliquer au problème. Si je reprends mon exemple de la théorie des leaders d'opinion, par exemple, et de l'influence interpersonnelle, ça va être de dire, ben, à l'époque, Axel Lagerfeld, ils utilisaient cela plutôt dans un contexte de l'entourage familial ou de l'influence qu'on pouvait avoir sur un lieu de travail, par exemple. Moi, je l'utilise pour étudier les médias sociaux, donc je dois faire une transposition. Il y a des choses qui ne seront pas exactement telles quelles applicables. Mais par contre, je vais m'inspirer de ce qu'ils ont dit pour éclairer ce que je regarde. Donc le cadre théorique, il appuie et renforce la problématique, il y a vraiment un lien direct. Il sert à clarifier les concepts parce qu'en fait, il sert à dire quelle définition des concepts vous retenez. Et il va également potentiellement vous permettre de modifier ou d'ajuster un concept par rapport à votre problème de recherche. Ça, on va le voir aussi un petit peu plus avant. Comme je vous l'ai dit, le cadre théorique, il est donc intrinsèquement lié à la notion de problématique, donc à ce que vous avez commencé par exposer. La problématique, en gros, c'est votre premier chapitre du mémoire, et c'est ce qu'on vous demande de présenter en premier dans tout projet de recherche, y compris dans le fameux TPM que vous avez à faire. Donc, un petit retour ou un rappel rapide sur ce qu'est la problématique. Vous devez d'abord un petit peu documenter ou présenter en quoi consiste le phénomène qui vous intéresse. Si vous vous intéressez la situation, par exemple, du lectorat des quotidiens nationaux en Belgique, ben, on va s'attendre à ce que vous donniez des chiffres, par exemple, du lectorat, des chiffres du tirage, etc. Donc vous devez un peu faire le tour des données existantes et vous devez également, dans la problématique, confronter ce qui est connu et ce qui est inconnu. C'est-à-dire donc, ce que l'on sait déjà. Par exemple, qu'il y a eu un observatoire sur le journalisme qui a déjà mené une enquête en 2012, par exemple, sur les motivations du lectorat à lire ou pas un quotidien, ou qu'il a fait pour telle tranche d'âge, etc. Donc tout ça, vous pouvez l'avancer, mais également, c'est dans la problématique que vous dites ce qu'on ne sait pas. Par exemple, que les études ont été menées sur telle tranche d'âge, mais pas sur telle autre, que ça a été fait dans telle région, pas dans telle autre, etc. Donc, vous présentez les types de recherches qui existent, les résultats existants, et les concepts aussi qui ont été utilisés dans ces recherches-là. Vous vous rappelez aussi que ce qui va boucler la problématique, c'est la pertinence scientifique du questionnement. Autrement dit, c'est de dire, ben, je vais, par ma recherche, contribuer à mieux comprendre telle réalité, ou je vais remettre en question telle hypothèse, etc. Et c'est aussi la portée sociale. Donc, autrement dit, on veut savoir que ben, vous avez une idée du fait que le sujet qui vous intéresse, c'est potentiellement un enjeu économique, politique ou autre, pour des salariés, pour des chefs d'entreprise, pour tel type de travailleurs, etc. Et le point culminant de la problématique, c'est la question de recherche principale. Cette question-là de recherche, c'est ce qui va vous servir de guide pour bâtir votre cadre théorique, pour le définir et pour en baliser les contours. Donc, on fait la distinction dans un projet de recherche entre questions de recherche générale et questions de recherche spécifiques. La question générale de recherche, c'est vraiment votre axe. C'est pour ça qu'on vous demandait dans la fiche, dans la fameuse fiche, une question et pas un ensemble de questions que vous mettez à peu près toutes sur le même niveau, mais qui, dans les faits, n'ont pas la même importance dans la hiérarchie, dans votre conception du problème. La question générale, c'est le territoire que vous comptez couvrir. Les questions spécifiques, en fait, ce sont des aspects particuliers, des dimensions en particulier, que vous allez étudier. Donc, autrement dit, la problématique, vous finissez par cette question générale. Quelles sont, par exemple, quelles sont les motivations des usagers des services en ligne bancaires. Donc, ce qui, en gros, serait un sujet sur pourquoi est-ce que les usagers vont plutôt utiliser les services en ligne que aller à un guichet et utiliser une communication en face à face pour gérer leurs opérations de banque. Ça, ce serait une question générale. Dans les questions spécifiques, on essaierait d'affiner, en fait, les types de motivations, par exemple, liées aux plateformes technologiques. On essaierait d'affiner aussi potentiellement, enfin, il faudrait affiner dans quelle région on se situe, quelle tranche d'âge on vise, etc. Et donc, on va également chercher, finalement, à spécifier les sous-questions, donc les sous-parties, en fait, les sous-domaines de notre recherche. Ces questions spécifiques et cette question générale, elles conduisent, comme on le développera avec les techniques qualitatives puis quantitatives, à poser soit des hypothèses, soit des propositions, des intuitions de recherche. En gros, c'est qu'une fois les questions élaborées, vous devez dire un peu ce que vous vous attendez à trouver. Soit une intuition, soit une hypothèse qui fait écho à quelque chose qui a déjà été dit dans la littérature. Donc dire ce que vous vous attendez à trouver, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que vous trouviez ça, et si vos résultats ne vont pas dans le sens que vous avez annoncé, vous avez tout faux, ce que vous avez fait est mauvais. L'intérêt d'un travail scientifique, c'est de découvrir quelque chose. Donc en fait, peu importe que vos résultats aillent dans le sens de ce que vous attendiez ou pas, ce qui est important, c'est d'expliciter comment vous vous y êtes pris pour voir si ce que vous pensiez être un résultat possible s'avérait ou pas. Ces questions de recherche, elles forment aussi des objectifs de recherche. Ça fait partie aussi des choses que vous devrez préciser, même brièvement, mais dans votre projet de recherche. Les objectifs de la recherche, c'est, à partir de mes questions, qu'est-ce que je cherche à trouver, où je veux en venir, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que mon objectif, c'est plutôt de mieux comprendre un phénomène, et donc là, je suis dans une démarche plutôt qualitative, quantitative, est-ce que vous sauriez définir entre les deux ? Quantitative, si on cherche à mieux comprendre. Non, qualitative. Oui, bon, vu ma réaction, donc c'est l'autre. Donc, effectivement, mieux comprendre, si on est plutôt dans du qualitatif, c'est-à-dire on va procéder, par exemple, avec des entretiens ou autre chose, et on part d'une observation de ce qui existe pour potentiellement en dégager des catégories et peut-être une théorie. Si mon objectif de recherche, c'est plutôt de vérifier si une hypothèse est vraie ou fausse, d'infirmer ou de confirmer que, par exemple, c'est l'âge des lecteurs et le facteur est ce qui influence le plus leur usage ou non des quotidiens papier. Donc selon l'âge, je m'attends à ce que le comportement de lecture change. Si je suis dans une démarche comme ça, je suis plutôt dans une démarche justement quantitative et déductive, puisque je vais chercher à mesurer, en fait, dans quelle mesure j'ai raison ou pas de faire cette relation, cette hypothèse. Donc, quand on a ces objectifs-là, qu'on a posé nos questions de recherche, à ce moment-là, on se lance dans l'exploration de la documentation. Donc, explorer la documentation, c'est vraiment la partie qui, en fait, c'est un exercice qui se fait tout le temps, tout le long du mémoire. Au début, pour se documenter sur le phénomène, on cherche des données, des statistiques, on cherche s'il existe des recherches déjà existantes. Ensuite, une fois qu'on a un peu défini la problématique et qu'on construit notre cadre théorique, là, on va chercher qui sont les grands auteurs, quelles sont les théories incontournables, quelles sont les définitions des concepts. Généralement, quand on trouve la définition d'un concept chez quelqu'un, le quelqu'un cite quelqu'un d'autre, donc on va voir l'autre personne, etc. Puis par après, quand on va sur le terrain et qu'on va faire des entretiens, une analyse de contenu, des questionnaires, etc., on ramasse nos données et ensuite on doit les commenter, les interpréter et on retourne généralement à des lectures complémentaires parce qu'on a des données qui sont surprenantes, etc. Donc quand je parle d'exploration de la documentation, c'est un exercice que l'on fait de façon extrêmement forte durant la partie revue de la littérature et définition du cadre théorique, mais c'est aussi un mouvement intellectuel en fait, qui va accompagner de façon itérative tout votre cheminement de doctorat, mais de master d'abord. Et en fait, cette recherche, cette exploration de la documentation, elle se fait en deux mouvements. Si on la décompose sur un plan de compréhension en fait, didactique, il y a à la fois un exercice d'ouverture, c'est-à-dire que généralement au début, on vous dit à la fois d'en chercher plus, de lire davantage, et on vous dit à la fois de réduire, généralement, votre sujet aussi. En fait, il y a vraiment ces deux exercices à faire et à articuler, qui sont que d'une part, il faut effectivement lire, il faut chercher de manière un peu large, il faut fouiller en fait, pour se familiariser avec un domaine, avec un sujet. Il faut aussi chercher à compléter ses connaissances pour ne pas rester sur des préjugés. Si vous pensez par exemple que les jeunes ne lisent plus les journaux papier, ben, si vous n'avez pas de chiffres à l'appui et qu'il n'y a pas eu d'études menées sur le sujet, en fait c'est une intuition à la limite, ou une impression, ou une opinion. Une opinion en rédaction scientifique, ça ne vaut rien. Donc il faut, ça fait partie de l'exercice d'ouverture aussi, compléter ses connaissances et potentiellement mesurer ce qu'on a, son non-savoir, c'est-à-dire de façon un peu modeste, se rend compte que bon, ben, peut-être qu'il y a des choses justement sur lesquelles on ne disposait pas de beaucoup de détails. Ça permet de vérifier ou de confronter ses intuitions. Ça, c'est ce qu'on appelle un exercice d'ouverture, ce qui correspond, sur le plan didactique, à ce qu'on nomme la diastole. Mais aussi, il faut donc être critique et il faut avoir des objectifs de recherche. Vous voulez vous documenter sur un phénomène, sur un sujet, mais vous ne pouvez pas chercher à tout savoir sur le sujet en question. Il faut que vous balisiez votre recherche, il faut qu'elle ait des limites. Donc on ne vous demande pas de remonter, par exemple, à la conception du concept d'influence depuis ses racines et d'avoir tout lu dans toutes les langues par ce qui s'est fait par tous les chercheurs et philosophes et autres pour votre projet de mémoire. Donc vous devez aussi avoir ou mettre en œuvre des stratégies pour sélectionner vos références. Et également, comme je mentionnais un peu plus tôt, un des trucs, c'est d'aller de proche en proche. C'est-à-dire que vous trouvez une référence intéressante dans un article scientifique, dans un ouvrage, et généralement, la personne, l'auteur, va citer un autre auteur dont il s'est inspiré. Vous, votre travail, c'est d'évaluer la pertinence de l'autre auteur cité et d'aller vérifier ce qu'il dit. Et donc, c'est ce qui forme, en fait, après ça, votre univers théorique, votre univers de référence. Donc, vous devez cerner ou faire une sorte de liste de concepts qui vous intéressent, qui sont certes pertinents pour vous, et potentiellement aussi laisser de côté ceux qui le sont moins, puisque vous ne pouvez pas travailler sur tout. Donc, ça veut dire qu'il faut faire aussi des petits deuils sur ce que vous souhaitiez aborder et sur ce qui est, de façon réaliste, abordable. Et enfin, le dernier défi ou le dernier exercice plus de sélection et de sens critique, c'est celui de l'organisation de ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire que le temps que vous passez, ça je pense que je l'avais déjà dit en première séance, mais le temps que vous passez à lire, à chercher des références, à dans un ouvrage sélectionner que c'est dans telle page, pile cette phrase-là et uniquement cette phrase-là, qui est super pertinente pour ce que vous voulez étudier. La phrase, ça vaut la peine d'en noter le numéro de page, dans quelle édition ça se trouve, etc. Bref, en fait, de ne pas perdre le travail que vous venez de faire, qui a peut-être été que vous avez passé en revue 5 ouvrages pour ne retenir qu'une seule phrase, mais qui par contre est une phrase qui va éclairer tout un chapitre de votre mémoire. Donc lorsque vous vous lancez dans la recherche documentaire, vous devez à la fois faire preuve d'ouverture, donc être ouvert à fouiller, rencontrer de nouveaux auteurs, de nouvelles définitions, et en même temps, vous devez aussi faire preuve donc, de sélection, de sens critique. Donc il y a des trucs, des stratégies qu'on peut appliquer pour essayer de ne pas passer à côté de références intéressantes et aussi pour les trier. Premièrement, on essaye de partir des références les plus récentes et on s'inspire, on va regarder les bibliographies directement de ces références. Parce que généralement, ce qui a été publié de façon récente a fait, les auteurs ont aussi fait un exercice de revue de la littérature et donc ils ont référencé ce qui s'était fait avant. Vous, ça vous permet de gagner du temps et donc potentiellement de ne pas avoir à partir du début les auteurs de référence. Et après ça, de passer à côté, en fait, de chercheurs un peu plus récents qui ont peut-être nuancé le concept, apporté de nouveaux éclairages, etc. Donc, pensez à consulter la bibliographie. Trouver les articles ou ouvrages les plus récents, et c'est bien marqué « articles ou ouvrages ». Alors, il y a des ouvrages incontournables de référence qu'il est bien de citer, qu'il est bien de lire au fil de son mémoire, mais les articles scientifiques qui vont faire 10, 15, 20 pages sont des très bons moyens et de très bons points de départ en fait pour construire, bâtir, développer votre cadre théorique. Donc, au départ, ça peut toujours être plus pratique aussi de mettre peut-être en priorité des articles récents qui, eux, vont faire référence à peut-être des ouvrages incontournables que vous pourrez, dans un deuxième temps, lire de façon plus poussée. Relevez, bien sûr, ce qui vous semble le plus pertinent, et potentiellement aussi, ce n'est pas toujours un gage de garantie, de qualité, mais faites aussi ou essayez de voir lesquels sont potentiellement les plus cités. Parfois, ça peut être cité pour être critiqué aussi. Donc, restez critique sur ce côté quantitatif, mais ça peut vous permettre d'évaluer qu'à tel moment, ce qu'a proposé tel auteur, par exemple, sur la définition de l'espace public par Habermas, qui a été énormément discuté, vous avez des auteurs qui ont parlé de la crise de l'espace public ou de la démultiplication des espaces publics. Ben, ces auteurs-là, généralement, par exemple Bernard Miège, qui est cité et recité, ça vaut la peine, ça veut dire que c'est peut-être un nom incontournable à mentionner dans votre cadre théorique. Ce que vous faites aussi dans votre stratégie documentaire et dans votre cadre théorique, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, justifier, vous devez expliquer pourquoi vous choisissez, vous sélectionnez certaines définitions au détriment d'autres. Ça veut dire que les définitions que vous sélectionnez, elles font écho à des auteurs et que ces auteurs-là, ils étaient dans une perspective et que donc si vous utilisez la définition que eux ont donnée, par exemple, de l'influence, c'est que vous inscrivez a priori dans la même perspective. Donc, il faut, en fait, ça devient un petit peu vos guides, du moins pour aborder la recherche. Donc, c'est là, dans le cas théorique, où on va trouver des tournures, comme, par exemple, pour définir le concept d'influence, nous nous inscrivons dans la lignée ou dans la perspective de tel auteur, plutôt dans une théorie critique inspirée de l'école de Francfort ou plutôt dans une théorie compréhensive, dans une théorie behavioriste, etc. Donc ça vous permet aussi de vous positionner. Un des défis ou un des écueils qu'on rencontre souvent lorsqu'on fait une revue de la littérature, c'est que en général, on commence, donc on a notre idée de sujet, on a un peu notre problématique, on a notre question de recherche principale, on cherche, on lit. Et potentiellement, au bout d'un moment, on se rend compte que ça a déjà intéressé plein de monde, qu'il y a déjà eu plein de recherches faites sur la question, et on ne voit plus trop bien en fait, comment on va être original, comment on va apporter quelque chose, donc apporter une contribution scientifique. Donc généralement, en fait, l'une des réactions, c'est de se dire « bon, ben, mon sujet, finalement, il est nul, il n'y a plus rien à dire, tout a déjà été dit ». Et donc d'être un tantinet désespéré, parce qu'on se dit qu'il faut tout recommencer, chercher quelque chose de plus original, etc. Mais, en fait, quand vous arrivez à ces conclusions-là, ça peut être plutôt bon signe, parce que ça veut dire, premièrement, que vous avez suffisamment lu pour faire des liens, pour couvrir un peu l'ensemble des idées, des résultats qui ont été donnés sur le phénomène qui vous intéresse. Et deuxièmement, tout n'a jamais été dit, c'est pas vrai, sur aucun sujet. Il y a toujours une région dans le monde qui n'a pas été étudiée, il y a toujours une comparaison qui n'a pas été faite, il y a toujours une mise à jour qui n'a pas été faite entre une époque des données qui ont été étudiées à une époque et celle plus contemporaine. On peut toujours donc, par un moyen ou par un autre, avoir une approche spécifique qui fait que ça va permettre d'avoir une contribution donc soit plus compréhensive, qualitative, inductive, soit, mesdemoiselles, plutôt quantitative ou déductive. Et comme la lumière est très allumée, en fait, on voit vraiment tout depuis ici, et on entend tout aussi. Donc, même si vous avez l'impression d'avoir fait le tour et que tout le monde a déjà tout étudié, c'est le moment justement de dire en quoi vous vous démarquez. Et donc, qu'est-ce que par exemple, la définition, vous allez la remettre en question. Que ça n'a jamais été abordé d'un point de vue féministe, on a étudié telle problématique sur des grandes entreprises, mais pas sur des PME, etc. Il y a toujours moyen de se distinguer et d'apporter sa pierre à l'édifice scientifique. Lorsque vous préparez votre revue de la littérature, donc votre fameux exercice qui vous conduit à construire votre cadre théorique, et c'est les fameux 10 pages qu'on attend de vous dans le TPM, il y a plusieurs étapes, plusieurs critères, j'ai parlé de stratégie un peu plus tôt, qui peuvent vous servir. Donc déjà, n'oubliez jamais que vous partez de votre question de recherche. Vous ne voulez pas tout savoir sur tout, vous voulez voir s'il y a des auteurs qui ont à peu près travaillé sur la même question que vous. Vous vous orientez donc en priorité vers des ouvrages plutôt de synthèse, comme je le disais un petit peu plus tôt, et les articles qui donc sont plus courts, et idéalement des plus récents, qui eux vont faire référence à des choses plus antérieures et plus complexes. Donc, pensez aux bases de données, aux périodiques, c'est-à-dire aux revues scientifiques, et également aux notices bibliographiques. C'est-à-dire, notices bibliographiques, est-ce que vous avez déjà consulté ce genre d'ouvrage ? Ou est-ce que dans des ateliers de recherche documentaire ou autres cours du genre, vous avez déjà côtoyé ce type d'ouvrage? Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce à quoi ça correspond? Une notice bibliographique, oui. Oui, exactement. C'est en fait... je répète plus fort pour ceux qui étaient plus loin, ce sont des ouvrages sur un thème, un domaine ciblé, qui vont faire dresser la liste en fait de toutes les publications qui sont parues sur le sujet ou le domaine en question. Et c'est uniquement ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contenu à l'intérieur, mais par contre, ça vous donne des pistes en fait, pour voir qui a publié, donc potentiellement dans quelle revue, en quelle année, etc. Parenthèse, il y a à disposition en particulier des primo-arrivants, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait leur bachelier à l'ULB, des séances d'initiation à la recherche documentaire qui sont données, je pense organisées par le module Sherpa, qui sont données par Sébastien Drosbeck. Normalement, vous devriez recevoir de l'information. En fait, les séances commencent pas tout de suite, mais elles vont dans quelques semaines. Mais donc, pour ceux qui ne viennent pas de l'ULB en particulier, ça peut être des séances utiles pour vous guider justement à travers les bases de données existantes, les notices bibliographiques, etc. Comment elles sont classées, comment vous pouvez gagner du temps. En fait, c'est surtout cette idée-là, c'est de... Ça prend du temps d'aller se former, mais pas après, ça vous permet de gagner du temps et ça vous permet vraiment d'éviter en fait des références qui sont considérées comme peu sérieuses ou peu fiables. Donc ça vous évite aussi des critiques dans votre travail par après. Et ces séances-là, elles sont aussi ouvertes pour ceux qui veulent réviser, qui viennent de l'ULB, elles sont aussi ouvertes en fait aux autres membres de l'ULB. Donc, je ferme la parenthèse. On essaye de chercher des documents qui présentent des analyses et pas seulement des statistiques. Quand je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un qui s'intéresse aux usages ou aux habitudes de lecture des jeunes en termes d'information, On ne veut pas juste que vous sortiez des chiffres, c'est aussi essayer de trouver par exemple des rapports de recherche qui ont été faits et qui ont été commentés, avec lesquels il y a eu des liens de fait entre, par exemple, le contexte socio-économique ou avec telle politique qui avait été lancée par le gouvernement qui explique que peut-être dans les écoles il y avait eu telle familiarisation, tel incitatif à lire, etc. Donc toutes ces données contextuelles, toute cette interprétation, ça doit aussi rentrer dans ce que vous cherchez à trouver. Donc pas juste des chiffres pour des chiffres. Et on essaye donc d'avoir, comme on veut que vous dressiez, oui, un compte-rendu en fait, des idées qui existent. Vous devez donc chercher à présenter une panoplie, une diversification d'idées. Et après ça, dire lesquelles vous correspondent le plus. Autrement dit, vous ne pouvez pas juste donner des références qui vont tout le temps dans le même sens. Premièrement, ça n'existe généralement pas, en fait. Il y a forcément toujours des auteurs qui ont voulu nuancer ce qu'ont dit les autres, etc. Et enfin, vous devez vous donner une grille de lecture. Et la grille de lecture, en gros, c'est partir de votre question de recherche, essayer de voir quelles sont les questions spécifiques, c'est-à-dire les dimensions plus précises qui vous intéressent, pour en fait essayer de vous dire, mais tel ouvrage il est vraiment très intéressant, ou tel article ça a l'air vraiment intéressant, sauf que ce serait pour un deuxième master, ou un troisième, ou une thèse, ou en tout cas c'est pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas pour moi là tout de suite. Donc il faut que vous hiérarchisiez aussi quelles sont les lectures prioritaires et quelles sont celles qui sont plutôt secondaires, parce que vous avez du temps à gérer en fait pour la réalisation de vos travaux. On part donc de la question de recherche. Donc, vous allez avoir certains thèmes. Je citais tout à l'heure, par exemple, la notion de l'influence ou des motivations des jeunes pour lire tel ou tel quotidien, qui vont se donner lieu à des concepts, comme le concept d'influence en particulier. Ces concepts, ils vont posséder des dimensions et des sous-dimensions. Et ils vont également vous amener à lire des auteurs qui proposent des théories qui parfois s'opposent ou qui parfois vont dans le même sens. Ici, j'ai indiqué trois termes, facteurs, variables, indicateurs. Est-ce que quelqu'un saurait... On va les revoir de façon plus détaillée quand on abordera les parties sur les techniques quantitatives, puis les statistiques en particulier. Mais est-ce que quelqu'un pourrait brièvement définir un petit peu ces trois termes, se rappelle à quoi ils font référence? Les facteurs, les variables, les indicateurs, ou les définir les uns par rapport aux autres? Ou un des trois, pour commencer. Une volontaire, même par mots-clés, juste des synonymes ou des... Est-ce que c'est la première fois que vous les voyez? Oui. Je dis oui, d'accord. Donc à ce moment-là, oui, c'est normal. Ok. Variable dépendante, variable indépendante. Est-ce que vous avez suivi des cours en statistique ou en chimie? Oui. Pour certains, qui a suivi un cours ou une formation en statistique? Même rap. Alors, variable dépendante, variable indépendante. Souvenir. Enfoui. Ok. Bon. Ce vocabulaire-là, facteur, variable, indicateur, c'est un vocabulaire qui est généralement rattaché plutôt à des approches quantitatives ou déductives, en particulier. Pas exclusivement, mais en particulier. Donc, c'est relié, ce sont des indicateurs qui sont reliés à des hypothèses. C'est-à-dire donc que, par exemple, les auteurs qui vont utiliser ce vocabulaire, ils avaient une hypothèse de départ, ils voulaient prouver que tel phénomène influence l'objet X, par exemple. Ce qu'on appelle les variables, je vais commencer par ça. Donc on parle de variables dépendantes et de variables indépendantes. Si, par par exemple, on part d'une hypothèse qui est que la concentration, la convergence industrielle, la concentration des industries, ou les fusions en fait industrielles, vont entraîner ou faire augmenter les profits des entreprises. On a d'un côté une variable qui est la concentration. Donc ça, c'est une hypothèse, parce qu'il faut encore que je prouve que toutes les entreprises qui fusionnent reçoivent plus de bénéfices. C'est peut-être le cas parfois, mais c'est peut-être parfois aussi pas le cas, parce que les produits ne vont pas ensemble, il y a une mauvaise politique managériale, etc. Donc ça resterait à prouver. Mais la partie, la concentration industrielle, les fusions, ça, c'est un phénomène qui est une variable de type indépendante. Dans mon hypothèse, j'ai la concentration ou la fusion industrielle entraîne une augmentation, permet une augmentation des bénéfices des entreprises. Les bénéfices des entreprises, ça va être la variable dépendante. Pourquoi ? Parce que le bénéfice des entreprises qui augmente serait une conséquence ou est considéré comme une conséquence du phénomène de concentration ou de fusion industrielle. Donc le phénomène de concentration industrielle, en fait, il est conçu comme existant de fait, et par contre, après ça, je conçois qu'il a une conséquence ou il produit un effet qui est une augmentation des bénéfices. Et ça, donc, c'est ma variable dépendante. On y reviendra avec joie dans une des séances ultérieures. Mais donc, si je vous parle de ça ici, c'est parce que certains des auteurs que vous allez consulter utilisent ce vocabulaire. Et donc, l'objectif des travaux qu'ils ont menés, c'était de prouver que deux variables avaient cette relation de dépendance ou d'indépendance. Mais en tout cas, avaient cette relation de cause à effet potentiellement, ou d'influence. Et ils ont, pour trouver cela, ils ont étudié, en fait, ils sont partis d'indicateurs, c'est-à-dire de comment je vais m'y prendre pour mesurer que, effectivement, quand il y a une fusion industrielle entre deux entreprises, leurs bénéfices augmentent. Je me base sur quels chiffres, ça va être quoi donc mes indicateurs, quelles vont être les manifestations, les indices qui vont me permettre de dire que, oui, il y a une augmentation quand il y a une fusion. Donc, quels sont les chiffres que je vais dire quels sont les chiffres ou quels sont, peut-être en termes de ressources humaines, ça peut être les salaires des employés, ça peut être les chiffres de vente, ça peut être l'ouverture de succursales à l'étranger, etc., etc. Et donc, lorsqu'on parle de facteurs, en fait, lié à un phénomène, c'est ce qui va faire le lien, les facteurs économiques, les facteurs sociaux, etc. C'est ce qui va faire le lien entre les variables et les indicateurs. Il y a des facteurs qui seront plutôt d'ordre humain, il y a des facteurs qui seront plutôt d'ordre économique, d'autres qui seront plutôt d'ordre politique, etc., etc. Donc ça, c'est juste que vous allez rencontrer forcément ce type de phénomène, de vocabulaire, pardon, dans vos lectures. Si je prends un exemple de comment on part d'une question de recherche, d'une idée, d'un thème de recherche pour faire la recherche documentaire, la revue de la littérature. Ici, je vous ai mis un concept, un mot-clé, qui est celui du développement. Le mot développement, je vais travailler sur le développement durable dans une perspective communicationnelle. Le mot en soi, donc il faut déjà définir qu'est-ce que j'entends par développement, qu'est-ce que j'entends par développement durable. Il faut définir ce que j'entends moi par ce terme, il faut que j'aille voir aussi qu'est-ce que les auteurs en disent, et potentiellement les entreprises n'ont pas forcément toutes, la même définition de ce terme-là. Selon les époques, ça n'a peut-être pas eu la même signification. Dans les politiques, ou dans certains projets de loi incitatifs, etc., votés par les gouvernements, ça a peut-être aussi évolué. Donc, il faut que j'essaye déjà de cerner ce que ça veut dire. Tout ça, ça m'amène à faire des opérations de recherche documentaire. Il y a aussi diverses dimensions qui sont incluses dans le concept de développement. il y a la dimension politique, on peut parler de développement politique en termes de type de régime, par exemple, sous lequel fonctionne un pays. On peut parler de développement économique, est-ce qu'on va regarder le PIB, par exemple, et son augmentation ? Est-ce qu'on va parler du niveau de vie de la population ? On peut parler de développement social, un accès, par exemple, aux soins de santé, etc. Il y a toute une kyrielle, en fait, de façon de cerner ce qu'est le développement. Et en fonction de la dimension qui vous intéresse le plus, qui correspond le plus au phénomène qui vous intéresse, vous allez plutôt cibler des ouvrages qui portent sur la dimension, par exemple, politique, ou sociale, ou écologique, économique, etc. Et vous avez, selon chaque dimension, des sous-dimensions, c'est-à-dire des illustrations de phénomènes plus précis qui correspondent à différentes dimensions. Donc, le développement durable, l'éthique, donc toutes les dimensions éthiques, environnementales, le greenwashing. Greenwashing, est-ce que ça va ? Est-ce que quelqu'un peut définir vite fait ce que c'est ? Oui ? Oui. Total qui investit dans les actions environnementales. Oui, voilà. Ça va par exemple être Total qui. Donc, c'est en gros une sorte de faux discours ou d'opération de communication axée sur le fait qu'une entreprise soutiendrait l'environnement ou contribue à des opérations l'amélioration, la protection de l'environnement. Mais concrètement à côté, par exemple, en gros ça sert à faire oublier la marée noire qui a eu lieu, si en caricature, quelques semaines avant. Mais dans les faits, donc il va y avoir une contradiction entre une opération de communication qui met de l'avant la protection de l'environnement et des actions menées par cette même entreprise. Donc dimension de croissance ou de décroissance, dimension de relations internationales, si on parle en termes de développement aussi, et tout ça, ça va vous mener donc à cerner et à faire des sélections au fur et à mesure dans votre recherche de littérature. Je l'ai mentionné rapidement, vous avez des séances qui seront consacrées. On va faire la pause juste après parce qu'on a presque fini les diapositives avant de passer aux exemples de Marc en deuxième partie. Mais vite fait, vous savez qu'ici, à l'ULB, le premier outil phare à partir duquel chercher, c'est Cible Plus. J'imagine que pour ceux venant de l'ULB, c'est assez connu déjà. On parle de mots-clés. Alors, le mot-clé, je mentionnais auparavant environnement, j'ai parlé d'influence. On rentre généralement instinctivement le mot-clé qui est dans notre question, dans notre libellé de la problématique ou du sujet de recherche. Et parfois, on dit, ben non, j'ai rien trouvé, il n'existe rien sur ce sujet. Sauf que, en fait, je pense qu'Otsera, d'ailleurs, le mentionne dans son ouvrage, c'est rare qu'il y ait un chercheur qui ait exactement utilisé les mêmes expressions que vous pour cerner un phénomène. Par contre, la personne, au lieu d'influence, aura peut-être parlé de rapport de domination, de pouvoir, de relation d'autorité ou d'interaction. Donc, autrement dit, il y a toute une famille lexical autour d'un terme qui peut vous servir à cerner votre sujet. Important aussi, les mots-clés, généralement, on les rentre dans la langue dans laquelle on fait sa recherche. On cherche en français, donc on tape en français. Et là, on dit, il existe peu de références sur la question parce qu'il y a deux ouvrages en français qui datent d'il y a 10 ans. Sauf que, en anglais, il existe 70 ouvrages publiés dans les deux dernières années. Donc, autrement dit, vous avez intérêt aussi, toujours, à penser, à chercher dans plusieurs langues pour ne pas passer à côté de ce qui se fait réellement, en fait, dans la recherche scientifique. Donc, on essaye aussi de chercher par domaine ou thème. Vous avez des bases de données ou autres qui sont vraiment spécialisées en communication ou en information, mais parfois, ce que vous voulez chercher, sur les relations de travail, par exemple, ou autres, va également relever du domaine de la sociologie, de la sociologie du travail, sociologie des professions, de la psychologie, etc. Donc vous avez aussi à inclure ces domaines-là, ou à penser du moins si vous trouvez peu de choses ou peu de choses en rapport avec votre sujet, à passer par ces domaines connexes-là. Et bien sûr, on utilise la recherche booléenne avec le « et » ou « sauf » lorsqu'on va rentrer ces mots-clés. Avant-dernière diapositive, j'ai déjà parlé donc de l'importance d'utiliser les bases de données, les notices bibliographiques, les périodiques. Pensez aussi à consulter les mémoires et thèses. D'une part, pour voir si quelqu'un n'a pas fait l'an dernier à peu près exactement la même chose que vous vouliez faire. Et ça ne veut pas dire « oh, il a déjà tout fait », ça veut dire « mais la personne a déjà fait une revue de la littérature, a annoncé des résultats que vous pouvez peut-être chercher à contredire, à compléter, etc. » Autrement dit, il y a des gens qui ont déjà fait une partie du travail dont vous avez besoin. L'idée, ce n'est pas de recommencer et d'essayer de faire une meilleure revue de la littérature que des gens qui ont travaillé sur votre domaine. Les travaux déjà faits, ça vous sert à gagner du temps, en fait. Donc, pensez vraiment à chercher ce genre de documents. Regardez les dates de parution. Et essayez donc de partir des choses plutôt récentes. Faites attention à l'édition ou à la source. Si c'est quelqu'un qui s'est auto-publié, ou si la maison d'édition, c'est en fait une maison dans laquelle les auteurs payent pour se faire publier, a priori, c'est peut-être de moins bonne qualité scientifique qu'une presse universitaire qui, elle, va faire relire le manuscrit par les pairs, etc. Vérifiez dans la table des matières qu'il y a des sections en particulier qui vous intéressent plus que d'autres. Et enfin, pensez à aller voir du côté de Google Scholar pour débroussailler un petit peu. Si vous ne trouvez rien sur les sites en particulier de la bibliothèque, ou alors pour faire un aller-retour avec justement le site de la bibliothèque pour lancer peut-être une idée, avoir une idée, trouver une idée d'une autre expression qui pourrait vous permettre de compléter vos recherches. Ça, je l'avais déjà dit et je vais m'arrêter là. Vous avez des outils, donc pensez à conserver, prendre note des travaux que vous faites de recherche. Tel ouvrage, c'est pas pertinent pour mon sujet, mais ça concerne telle chose. Tel autre, il y a des ouvrages qui ont des titres très généraux, communication et médias à l'ère contemporaine. Donc en fait, ça parle de communication et médias au Zimbabwe en 2012. C'est super intéressant, mais si vous vous intéressez à une situation dans une autre région du monde, c'est peut-être pas l'ouvrage de référence à prioriser tant que ça. Bah, gardez les traces, gardez les pistes de ce que vous avez trouvé. Et bon, vous avez Zotero, OneNote, je pense qu'ici c'est plutôt Zotero qui est utilisé. Pour ceux qui veulent une révision aussi, je pense que Sébastien Rosbeck fait un bon retour sur cet outil-là dans ses formations. Donc n'hésitez pas à les consulter en bibliothèque pour vous faire aider aussi. Voilà, sur ces bonnes paroles, on va prendre une pause de 5-10 minutes. Pas plus, parce qu'après ça, je passe la parole à Marc pour la partie la plus exaltante des exemples concrets de recherche et de cas théoriques correspondants. A tout de suite. Tazoua, je sens que t'es pas bien, je le vois. En clair. Il y a tout ne sait pas venir à 20h parce qu'il est au sport, mais quand il vient, il va travailler. Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Il me fait chier, il va sauter. Il te fait chier. Il va sauter, bah. Ouais, c'est ça qui te fait chier. Hélène me répond. Concept à choisir tel ou tel concept. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à les poser. Alors, vous allez voir aussi que les deux exemples que je prends, j'ai travaillé dans les sciences de la communication, mais j'ai jamais travaillé sur le journalisme ou sur les médias d'information. Donc le premier exemple, c'est trop fort. Ok, on va faire plein de fois passer. J'ai moins de fois qu'on va passer. Vous allez peut-être me tuer définitivement. Donc, parce que je peux. Donc le premier exemple, en fait, va venir des industries culturelles et des médias culturels, puisque j'ai pu travailler il y a déjà pas mal d'années sur les styles de musique populaire et leur médiatisation. Et puis le deuxième exemple sera tout à fait différent. Ça, c'est un travail dans lequel je suis encore aujourd'hui. C'est ce à quoi j'ai travaillé dans ma thèse de doctorat. C'est sur la communication scientifique et la manière dont les chercheurs communiquent et publient les résultats de leurs recherches. Mais avant ça, hein, sans vouloir du tout revenir sur ce que Nadège a expliqué dans la première heure, pour, avec mes propres termes à moi, recadrer un petit peu ce que c'est finalement de travailler sur les concepts en sciences humaines et sociales et de définir un cadre théorique, il y a trois images, trois métaphores que j'aime bien utiliser, que j'ai d'ailleurs utilisé déjà dans ce cours, en tout cas pour la première, c'est de dire que le chercheur en sciences humaines et sociales et en sciences de la communication, on n'a pas de microscope, mais notre microscope, c'est les concepts qu'on va utiliser. C'est grâce à un bon usage des concepts bien définis, bien compris, qu'on va pouvoir élucider, comprendre, expliquer la communication humaine et ou médiatique. Donc c'est pour ça que je parle de microscope conceptuel. Notre microscope, ce sont les concepts. Donc c'est vraiment super important. On n'a pas de microscope, mais on a des concepts. Quand on a des concepts, ben ça c'est mon petit tableau, mon arbre généalogique des Simpsons, même si on ne travaille pas nécessairement sur les Simpsons, on pourrait très très bien travailler sur ce média particulier, mais ici c'est plus général, il faut faire la généalogie des notions et des concepts qu'on utilise. Un concept, et Nadège l'a dit, a toujours été développé par certains auteurs, qu'il faut lire, qu'il faut remettre dans leur contexte, et surtout ne pas aller au supermarché des concepts et les prendre sans en avoir fait la généalogie. Toujours bien savoir qui a utilisé, qui a défini le concept, mesdemoiselles, s'il vous plaît. Hein, c'était déjà vous tout à l'heure, si vous avez des choses à rajouter, moi je ne demande pas mieux, si c'est interactif, tant mieux, mais quand en plus on est un peu malade, c'est encore plus fatigant. Donc les concepts, faites-en la généalogie, voyez d'où ils viennent, voyez qui les a utilisés et comment les différents chercheurs dans les différentes disciplines les ont utilisés. Et finalement, mes sympathiques douaniers, là j'ai pris une douane française, mais j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre, il faut être aussi le douanier des concepts. Une fois qu'on a compris leur généalogie, il ne faut pas tous les laisser passer dans notre mémoire ou dans notre recherche. Il y en a qui vont s'avérer pertinents, et il y en a d'autres qui, malgré qu'ils aient un nom brillant et attractif, vont s'avérer à côté de la plaque. Donc là, il faut être un douanier sévère et ne pas tous les laisser passer et ne garder que ceux qui nous paraissent pertinents par rapport, et là je ne dis rien plus, à notre question de recherche, à notre hypothèse, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Alors ces trois métaphores, elles sont importantes, hein, le microscope, la généalogie des concepts et les douaniers conceptuels. Je crois que quand on fait ça, on est déjà bien parti pour être un bon chercheur. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, premier exemple de recherche que j'essaie de vous raconter. Alors je dois faire déjà des efforts, hein, parce que ça date déjà d'il y a un petit peu longtemps, quand j'ai fait un mémoire, d'ailleurs quand j'en parlais à notre collègue Cassandre ici tout à l'heure, je dis j'ai fait mon mémoire de DEA sur cette question, elle m'a dit c'est quoi cette affaire-là, un DEA? Tout d'un coup j'ai pris un énorme coup de vieux. Un DEA c'était il y a déjà en l'occurrence plus de 10 ans, hein, oui, carrément plus que 10 ans, 14 ou 15 ans, quand vous vouliez faire un doctorat, vous deviez d'abord faire un diplôme de troisième cycle qui n'existe plus, qui s'appelait le DEA, diplôme d'études approfondies. Ok. Et donc moi j'ai fait ce DEA à l'époque sur la question des musiques populaires. Et en particulier, je vais vous faire entendre, mais pas maintenant, dans un instant, un extrait pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est. J'ai travaillé sur un style de musique tout à fait spécifique qui est le rebetiko. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ça. Il n'y a pas de grec parmi vous ou de chypriote ou... Non, ok. Mais le rebetiko, c'est une musique populaire grecque qui est née dans les villes grecques dans les années 20, à Athènes, au Pirée, le port d'Athènes, dans d'autres grosses villes, au moment où, on ne va pas faire toute l'histoire du style, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, mais vous comprenez de quoi on va causer, au moment où il y a plein de réfugiés d'Asie mineure qui ont dû quitter l'actuelle Turquie pour rejoindre la Grèce, et plein de Grecs qui ont été, Grecs qui parlaient le turc, qui ont été réenvoyés à l'expéditaire en Turquie, c'était des accords, hein, suite à ce que les Grecs appellent la grande catastrophe. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a eu des échanges de populations, plein d'immigrés sans le sou qui arrivent à atteindre au Pirée dans certaines îles grecques, qui vont dans ces villes s'accumuler dans des sortes de bidonvilles en périphérie des villes, et qui vont développer une forme de musique populaire tout à fait originale, inspirée à la fois de leur expérience finalement de déclassés, hein, on dit en sociologie de lumpen prolétariat, un prolétariat vraiment déclassé, et inspiré un peu des musiques orientales que certains avaient connues en Asie mineure, en Turquie, et vont créer ce style dans les années 20 qu'on appelle le rebetiko. Voilà, ça c'est pour l'aspect musicologique, c'est pas ça qui m'intéresse ici, puisque quand j'étais à l'époque à faire ce débat, j'étais en communication et pas en musicologie. Et là je me suis posé la question, tiens, quels sont les cadres théoriques, en dehors de la musicologie, et en dehors de l'histoire de l'art, de l'histoire de la musique, qui pourraient m'aider en tant que chercheur en communication à appréhender les musiques populaires et la manière dont les musiques populaires sont diffusées, transformées, parfois même en partie créées par les phénomènes de médias de masse. Eh bien, je me suis très vite rendu compte que l'expression même de musique populaire, en anglais popular music, est l'expression d'industrie culturelle. Ben, elle n'était pas tombée de la lune. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de généalogie des concepts, mais c'est ce que j'ai fait à l'époque. Je n'appelais pas ça généalogie des concepts, mais c'est ce que j'ai fait intuitivement. Et je me suis rendu compte, en fait, que industrie culturelle et musique populaire, ça nous vient des théories, hein, que Nadège a évoquées brièvement tout à l'heure, hein, les théories critiques, les théories néo-marxistes de l'école dite de Francfort dans les années 30. En particulier avec un monsieur, hein, qui a l'air fort sérieux, hein, qui s'appelait Adorno, hein, Théodore Adorno, grand théoricien des années 30, 40 et 50. Et Adorno a inventé cette expression d'industrie culturelle. Alors lui, on ne peut pas dire qu'il aimait les industries culturelles, qu'il aimait le cinéma et qu'il aimait les musiques populaires. Au contraire, Adorno, dans la manière dont il a développé ses théories de l'industrie culturelle et de la musique populaire, il considérait que toute cette culture de masse, donc, était le produit d'industries qui visaient d'abord le profit économique. Et qu'en fait, ce n'était pas du tout populaire, puisque selon Adorno, contrairement aux musiques traditionnelles, ce n'était pas le peuple qui inventait ces musiques, mais le peuple complètement passivement achetait des disques, allait voir des films, était complètement réduit. Adorno disait qu'il était comme des enfants face à la musique et au cinéma, complètement passif, complètement privé d'esprit créativité. Donc il y avait une vision très noire, très négative de ces industries culturelles. Et Adorno disait que, finalement, les industries culturelles du cinéma, du sport, de la musique, on est dans les années 30 encore, hein, donc c'était les industries naissantes à l'époque, eh bien, elles aboutissaient finalement à une sorte de homogénéisation des pratiques culturelles. Tout le monde finit par aimer les mêmes musiques, tout le monde finit par s'habiller de la même façon. Donc une vision un peu noire, très critique et inspirée du marxisme, puisque c'était l'idée que la classe économique dominante, d'après Adorno, privait le peuple de son esprit créativité pour quelque part lui faire avaler à longueur de journée des produits culturels de deuxième zone. Donc ça, c'est très fort résumé, mais c'est les théories d'Adorno, l'école de Francfort, l'école critique des années 30, qui a eu une postérité assez importante dans les études sur la culture de masse et les industries culturelles ultérieurement. Bon, donc ça c'est M. Adorno. Puis là, je vous ai dit la fois passée que finalement être chercheur, c'est très souvent d'abord s'étonner, être surpris, être choqué, être interloqué. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a interloqué quand j'ai lu cette théorie de M. Adorno, que je ne connaissais pas avant, et que je confronte ça à mon expérience quotidienne, hein, j'aime beaucoup, et d'ailleurs j'aime toujours beaucoup, ce qu'on appelle la musique du monde, les world music. Et quand j'allais à la médiathèque, à l'époque, il y avait déjà des MP3, mais enfin, ce n'était pas aussi développé que maintenant. Les gens allaient beaucoup aux médiathèques emprunter des CD. Et moi, j'étais frappé de voir la diversité des styles disponibles. Une semaine, je pouvais emprunter, j'apprends n'importe quoi, du hip-hop grec. La semaine suivante, je pouvais emprunter du jazz éthiopien. Et je me disais, mais enfin, Adorno, il a tout faux. C'est juste l'inverse, ce qui se passe. On n'a pas homogénéisé avec les médias de masse la culture musicale. Au contraire, on a accès à un truc qu'un homme du 18e au 19e siècle n'aurait jamais imaginé. Hein, vous étiez éthiopien et vous jouez du jazz. Encore au 19e siècle, le jazz, ça commençait seulement. Mais vous ne connaissiez que ça. Or, moi, en allant à la médiathèque, j'avais accès à 5 siècles de musique et à je ne sais combien de petits producteurs différents. Donc, première chose, il y a quand même un problème. Mon vécu par rapport aux théories d'Adorno, il n'est pas complètement en phase. Je dis, tiens, c'est peut-être vrai ce qu'il dit, mais ce n'est pas toute la vérité. Donc je m'étonnais. Deuxièmement, là j'ai pris une photo beaucoup plus récente, c'est des musiciens qui n'étaient pas actifs quand j'ai fait mon DEA, en tout cas pas ensemble. Peu importe, là, c'est Passepo et Vincent Segal qui jouent une musique où ils mélangent du violoncelle classique avec de la cora sénégalaise. C'est vraiment très très bien, si vous ne connaissez pas, je vous conseille. Mais je disais, au-delà de ça, il y a des musiciens qui font des mélanges incroyables et qui peuvent être très réussis artistiquement. Donc j'étais donc doublement étonné par rapport à mes expériences quotidiennes et la théorie d'Adorno. Donc je me suis dit, il faudra peut-être réfléchir autrement. Il faudra peut-être un peu voir au-delà s'il n'y a pas d'autres cadres théoriques qui pourraient me faire appréhender les médias de masse culturelle et les industries de la culture d'une autre manière. Donc c'est ce que je résume en disant cadre théorique versus expérience du chercheur. Alors avant d'aller plus loin, je vais essayer, parce que cet ordinateur n'est pas absolument obéissant, de vous faire entendre une petite minute, juste que vous vous rendiez compte, hein, une vieille chanson Rebetiko des années 30, alors c'est un vieux 78, enfin là c'est un MP3, hein, je me suis modernisé quand même, mais c'est, vous allez entendre que ça grince, ça, mais ça vous donne une idée du style de musique qui était enregistré en l'occurrence là au Pirée, le port d'Antan, dans les années 30. Alors, la chanson s'appelle « Oli Rebetes Tudunia », ce qui veut dire en gréco-turc « Tous les rebètes de l'univers ». Rebetiko, ça vient de ce mot « rebète », alors on ne sait pas trop l'étymologie. On pense que « rebète » en jargon turco-grec, pas surtout « turc » et pas trop « grec » là en l'occurrence, ça veut dire une personne à bon à rien, quelqu'un qui traîne, quelqu'un qui n'a pas une vie dans la normalité, on va dire. Un de ces cas exceptionnels qui aurait intéressé Becker ou les sociologues de l'école de Chicago dont je vous ai parlé la semaine passée en disant qu'ils étudiaient les outsiders, justement, les exceptions et pas les règles. Ok, donc ce petit extrait pendant quelques 30 secondes ou quelques jours. Vous entendez quelque chose? Vous voyez un peu le style, la voix de la cigarre, l'accompagnement avec des bouzoukis, des mini bouzoukis qu'on appelait des baglamas, qui souvent étaient confectionnés en prison. Peu importe, assez de folklore comme ça. J'aurais voulu le faire sauter sur les haut-parleurs, mais visiblement, il ne veut pas. Vous avez eu une idée. Maintenant, j'espère qu'on peut avoir à nouveau nos diapositives. Formidable. Donc voilà. Étonnement du chercheur par rapport au cadre théorique que j'avais lu en fin de recherche en bibliothèque, comme on l'a présenté tout à l'heure. Et donc moi je me dis finalement, j'aimerais bien étudier un peu ma question de recherche au sens le plus large, ma problématique au sens le plus large, plutôt qu'avoir cette vision un peu arrêtée de l'école de Francfort, moi j'aimerais bien étudier d'une manière plus nuancée de ce que j'ai appelé les médiamorphoses d'un style musical. Donc sans avoir comme idée préconçue que d'office quand il y a une médiatisation d'un style musical, c'est son amoindrissement, il devient... Comme disait Adorno, il devient homogène et tout le monde écoute la même chose. Non, je vais partir d'une étude de cas bien précise, le Rebetiko, dont on a beaucoup de traces, beaucoup de témoignages, beaucoup d'enregistrements, et je vais essayer d'étudier, comme une étude de cas, ce style Rebetiko, à partir du moment où il a commencé à être médiatisé, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, pas simplement, c'est juste pour encore un peu vous montrer. Mais là, vous voyez, en fait, le bonhomme qu'on a entendu, c'est ce bonhomme-là, celui qui est bien habillé avec sa cravate. Et vous les voyez dans une rue, la latin des années 30, en train de jouer pour eux-mêmes, finalement, dans la rue. Et puis, quelques années plus tard, à la fin des années 30, Columbia, une majeure de l'édition culturelle qui existe encore indirectement aujourd'hui, mais qui aux États-Unis a commencé à enregistrer sur disque 78 tours ces chansons rebetiko. Donc, moi, je me suis dit, je vais étudier de manière un peu plus fine, au départ d'une vraie étude de cas bien située dans le temps et diachronique, un style particulier, le rebetiko. Alors évidemment, ça ne suffisait pas d'être dit ça, je devais alors me constituer un cadre théorique plus adéquat, puisque je disais qu'apparemment, l'école de Francfort ne me suffit pas, qu'est-ce que je pourrais utiliser, en quoi pourrais-je enrichir mon cadre conceptuel, mon cadre théorique. Et là, grâce à un cours de sociologie que j'ai eu à cette époque-là, je me suis rendu compte que dans la sociologie, donc pas les sciences de la communication, mais la sociologie, si d'une part on a beaucoup de sociologues qui considèrent que la structure sociale, économique s'impose aux individus, on a toute une partie de la sociologie qui a développé le concept d'agentivité, d'agency en anglais, et l'agency c'est justement considérer que l'individu n'est pas passif par rapport aux médias et par rapport aux médias culturels, et que l'individu est tout à fait capable de réinterpréter ce qu'il va recevoir des médias, dont lui donner une nouvelle signification, et pas nécessairement d'homogénéiser ses pratiques culturelles. Donc les théories sociologiques de l'agency mettent l'individu au centre et disent que l'individu est capable de réinterpréter, de donner un sens personnel à ses expériences culturelles qui passent par les médias de masse. Donc c'est pas uniquement comme un mammouth, qui écraserait tout sur son passage, mais les individus sont capables d'activités dans leur manière d'écouter, de lire ou de voir du cinéma, par exemple. Ça, c'est les théories de l'agency. Et en particulier, il y a tout un ensemble, une discipline, mais qui est un mélange elle-même de beaucoup de disciplines, qu'on appelle les études culturelles, les cultural studies, qui sont aussi d'inspiration marxiste. Donc les gens, les chercheurs qui sont dans les cultural studies, ils estiment aussi qu'il y a un pouvoir économique qui tend à dominer, qui tend à dominer le monde, j'allais dire, et qu'il y a des luttes de classe entre les puissants et les moins puissants. Mais il y a une tendance dans les cultural studies, quand ils ont étudié les musiques populaires, à justement considérer que le peuple, entre guillemets, est tout à fait capable d'être actif quand il écoute des musiques populaires et même de mélanger des musiques, de réinterpréter des musiques et qui n'est pas là bêtement, comme le pensait Adorno, hein, comme un petit enfant qui reçoit la tambouille de sa maman. Il est capable d'être tout à fait actif, de s'approprier des styles qu'il entend à la radio ou qu'il écoute sur un disque et d'en refaire autre chose, soit pour le sens que ça prend dans sa vie à lui, soit parce que carrément il est artiste et il va mélanger ça avec d'autres styles éventuellement. Donc là je trouvais ça intéressant, c'était un peu le contre-pied d'Adorno, ça mettait l'individu au centre et ça nous disait que par rapport aux cultures, aux industries culturelles, l'individu n'est pas nécessairement passif et complètement comme un oisillon qui reçoit la nourriture de sa maman. Ensuite, mon mémoire de DEA, je le faisais avec un sociologue des musiques qui n'est plus dans cette université, qui est pensionné maintenant, qui est Michel Demeune, et qui était un type un peu excentrique mais tout à fait passionnant, et qui avait développé une théorie un peu dans le contexte des cultural studies, où il estimait que les styles de musique populaire étaient toujours co-culturés. Alors ça veut dire qu'on ne crée jamais tout seul un style de musique populaire, mais ça provient toujours de la rencontre de différents groupes sociaux ou de différents types de groupes sociaux qui ont des lieux pour se rencontrer et qui vont ensemble co-culturer, à créer ensemble, co-créer des nouveaux styles de musique populaire. Et bien sûr, il peut y avoir les médias qui jouent un rôle là-dedans, mais les médias n'empêchent nullement, et lui a étudié presque tous les styles populaires du XXe siècle, les médias n'empêchent nullement une créativité et une co-création de nouveaux styles musicaux. Donc là, je trouvais que j'avais un cadre théorique, pour revenir à notre préoccupation d'aujourd'hui, qui était un peu plus en phase avec ce que j'observais dans ma vie de tous les jours. Une diversité de styles accessibles à la médiathèque, et des œuvres musicales qui mélangeaient des codes, qui n'étaient pas juste des standardisations comme Adorno l'aurait dit, Ok. Troisième élément, et je ne rentre pas dans les détails, parce qu'on pourrait développer tout ça, ce que j'essaie de que vous voyez, c'est comment j'ai procédé. Je me suis dit, ok, je ne suis pas un musicologue, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je vais d'une part appréhender la musique populaire par ces quatre théories qui viennent de la sociologie et des cultural studies, et qui mettent l'individu au centre. D'autre part, par la conculturation de Michel Demeune. Mais je suis quand même en communication, donc il faut quand même une théorie de la communication. L'un d'entre vous, la semaine passée, me demandait comment avoir un angle communicationnel, une approche communicationnelle sur mon sujet. Et moi, il y a 15 ans, je me suis posé la même question sur ce sujet-là. Et à la lecture d'un bouquin qui a été réédité depuis, je trouvais, je ne l'ai plus lu récemment, mais à l'époque, je l'ai trouvé vraiment très, très éclairant, d'un certain Meunier et Peraya, ce sont des anciens professeurs de gauche, je pense, vieux, ils sont pensionnés aussi. Après, ils étaient déjà fort vieux quand je les ai lus la première fois. À l'Université catholique de Louvain, Meunier et Peraya, et qui ont travaillé sur une théorie qu'ils appellent la sémiopragmatique de la communication. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une manière, c'est un cadre théorique quand on étudie les médias, c'est une manière de dire il faut toujours les étudier en contexte. Rien ne signifie hors de ce contexte, hors de la situation dans laquelle la communication intervient. La pragmatique, ça veut dire aussi qu'on va considérer une communication ou un objet médiatique non seulement comme un contenu, mais aussi comme une forme de communication qui agit sur le public, qui crée des relations entre les personnes, en l'occurrence, si c'est de la musique, entre les personnes qui écoutent et qui créent la musique. Donc, je me suis dit que ce cadre théorique convenait assez bien à l'approche que je voulais avoir, d'une part, mettre l'individu au centre, lui donner un rôle actif, et d'autre part, parce que j'étais en communication, il fallait accrocher ça à une théorie de la communication, recourir aux théories dites de la pragmatique, où on va considérer qu'un contenu médiatique n'a du sens que dans une situation et un contexte qu'il va falloir étudier, et d'autre part, on va s'intéresser non seulement au contenu, mais aux relations que l'objet médiatique crée ou entretient entre des personnes. Alors, dernier élément, j'ai pas mis pragmatique, j'ai mis sémiopragmatique parce que j'ai mis là-dedans un peu de sémiologie. J'aimais beaucoup la sémiologie à l'époque. Je ne sais pas si vous avez des cours de sémiologie, je ne sais pas si vous avez beaucoup parce que ce n'est pas toujours nécessairement le cas. Mais pour moi, j'avais vraiment beaucoup et je me suis rendu compte qu'il y avait des sémiologues de la musique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui, eux, là, proposaient des moyens d'analyser le sens de la musique autrement par une analyse musicologique. On parlait de musane, peu importe, mais enfin d'utiliser les signes musicaux d'une autre manière. Et donc vous voyez finalement, avec ces trois éléments, j'avais mon cadre théorique. Alors, ça n'a pas été nécessairement facile. Une fois que j'ai eu ça, le mémoire n'était pas écrit. Mais enfin, j'avais une manière qui me semblait plus satisfaisante par rapport à mes hypothèses de recherche, et j'ai même envie de dire par rapport à mon étonnement d'être humain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais trois cadres théoriques complémentaires, parce qu'ils sont tout à fait complémentaires, même si la sémiopragmatique n'a jamais été développée dans le cadre des cultural studies, on peut très bien les combiner. J'ai fait leur généalogie, j'ai essayé d'être le douanier de ces concepts, j'ai vu qu'on pouvait les agencer les uns avec les autres, et j'avais ce cadre théorique relativement original, mais que j'ai poursuivi pour mener à bien ma recherche. Alors concrètement, comment j'ai fait, ça c'est pas que c'est moins intéressant, ici le but c'est de faire comprendre le cadre théorique et le choix des concepts, mais concrètement, j'ai cherché dans différents lieux à atteindre des partitions, des textes, des interviews de musiciens d'époque, compiler tout ça, et puis à appliquer ce cadre théorique au matériel que j'avais réuni, et tous les enregistrements que j'ai pu réunir à l'époque et que j'ai pu analyser, plus des travaux qui avaient déjà été faits par des musicologues grecs pour l'histoire du style à travers le XXe. Donc voilà, cadre théorique qui s'est révélé vraiment être puissant, parce qu'il m'a permis de jeter un autre regard sur cette question des musiques populaires, et en l'occurrence du style rebetiko, mais on pourrait faire la même chose avec n'importe quel style de musique populaire. Hein, tout à l'heure, Nadège disait qu'un cadre théorique peut être transposé d'un objet à un autre. Si j'avais eu le temps et si j'avais pu continuer dans cette voie-là, j'aurais pu utiliser ce cadre pour d'autres styles de musique populaire et ça aurait peut-être été tout à fait intéressant. Ou peut-être pas du tout, ça, on sait rien évidemment, avant de se lancer dans une recherche. Alors, juste pour vous dire à quoi cette recherche a abouti, davantage de choses que ça, mais pour préparer ce cours, j'ai été rechercher mon vieux mémoire de DEA, hein, j'ai connu tout ça en diagonale. Et finalement, l'analyse avec ce cadre théorique que je viens de vous expliquer du style de musique rebetiko, je me suis rendu compte que finalement, Adorno, sur certains aspects, n'avait pas tort, mais qu'il n'avait pas raison en tout. Parce qu'il y a une chose qui est tout à fait claire, c'est que quand on observe l'évolution de ces chansons rebetiko, il y a d'une certaine manière une certaine standardisation à un certain niveau. Quand on écoutait ces chansons, quand les témoignages de ces chansons, telles qu'elles étaient interprétées au début du XXe siècle, dans ce qu'on appelait des cafés Hermann, encore c'est de nouveau un peu exotique, mais c'est des cafés inspirés des pratiques orientales que les Grecs ont repris, où on chantait toute une série de chansons, et ça s'appelle Café Hermann. Je veux dire, vous pensez que je n'allais pas chanter, donc je ne vais pas chanter ces trois mots aussi facilement non plus. Ça s'appelle Café Hermann parce que les paroles étaient improvisées, et pour trouver le temps d'inventer les paroles, la chanteuse, ou parfois le chanteur, il était là à faire Hermann, et il faisait des Hermann pendant des secondes et des secondes, ce qui lui permettait de penser aux paroles. Bon. On appelait ça Café Hermann. Et bien là, les chansons étaient très très longues. Elles pouvaient durer 10 minutes, 12 minutes. Et il y avait ce qu'on appelle toujours en turc d'ailleurs, des taxis au début de la chanson. Le musicien, avant de commencer à chanter la chanson pour qu'on me dit, mais comme il y a encore dans certaines musiques orientales, arabes ou indiennes aussi, il plongeait l'auditeur dans l'ambiance de la chanson et il jouait des improvisations dans un mode musical particulier. Et bien ça, avec le 78 tours qui dure royalement 3 minutes maximum par face, ça disparaît. La chanson, elle est réduite d'une longue improvisation à juste une chanson standard de 3 minutes. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a une sorte de standardisation. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'au fur et à mesure, les chansons rebetiko, qui au départ sont super orientales, vraiment, on sent très fort l'influence de la musique orientale, de la musique arabe, de la musique turque, et bien au fur et à mesure des années, dans cette industrie culturelle, ça s'occidentalise. Les chansons deviennent de plus en plus structurées, refrain, couplet, comme dans fond, refrain, couplet, comme dans la musique populaire occidentale. Les modes aussi, je ne sais pas si les musiciens parmi vous, vous savez qu'en musique occidentale, dans le mode mineur et le mode majeur, dans la musique orientale, il y a des dizaines de modes différents. Et au fur et à mesure, il y a une réduction des modes musicaux uniquement vers majeur-mineur. Donc à ce niveau-là, M. Adorno, il serait content, il dirait bien, Marc, tu as trouvé. Beaucoup d'importance si j'avais approuvé l'école de Francfort. Enfin, on est dans le sens de ce qui lui aurait fait plaisir. Tiens, là, c'est une illustration. Au niveau des paroles aussi, Adorno disait que les industries de la culture tendaient à simplifier les paroles des œuvres culturelles, à les standardiser. Et c'est vrai que quand on voit l'histoire du rebetiko, il y a un truc super frappant. À l'origine, je vous ai dit, c'est des rebettes, ces gens, c'est des gens un peu hors classe, des déclassés, du lumpen prolétariat qui se réunissent, comme ceux qu'on a vus sur ma photo, pour jouer ensemble. Parfois, ils se réunissaient dans des endroits secrets, des grottes, où la police ne pouvait pas les attraper parce qu'ils consommaient pas mal de drogues, qui étaient pas toujours au départ, certaines drogues étaient légales, puis avec le changement de pouvoir en Grèce, l'occidentalisation du régime, les drogues ont été considérées comme illégales, et donc ils se cachaient pour jouer cette musique. Et puis quand ils passaient en disque, quand les chansons étaient mises en disque, quand elles étaient finalement médiamorphosées, pour reprendre mon expression, on voit souvent que les paroles changent complètement. Par exemple, vous avez des chansons qui, où il parle de sa piqûre, pour sa petite piqûre favorite pour se donner sa dose quotidienne de drogue. Et la chanson, les paroles originelles dans les années 1910, c'est « Oh, ma petite piqûre, t'es ma meilleure amie, ma petite piqûre, je t'adore, ma petite piqûre, blablabla. » Ok. Et bien, quand ça passe en disque, ça devient « Oh, mon petit bouzouki, je t'adore, mon petit bouzouki. » Bouzouki, c'est une sorte de lutte grecque, hein, de lutte, pas bambama, mais lutte instrument de musique. Ok. Donc, et ça devient « Ma petite piqûre devient mon petit bouzouki, je t'aime, je t'aime. » Donc, vous voyez comment les paroles passent la censure et comme il y a une sorte de, là aussi, peut-être, d'affadissement des paroles. Donc, d'une certaine manière, c'est pas faux. Il y a, avec la métamorphose, d'une certaine manière, une standardisation. Hein. Et j'ai mis occidentalisation des modes, parce que ce qui est intéressant aussi, non seulement la musique s'occidentalise un peu, mais également les tenues vestimentaires des personnes qui les jouent. À l'origine, les rebelles, quand dans les vieilles photos, on les voit toujours pas quand ils jouent, évidemment, ça c'est dur, mais quand ils se baladent en rue, ils ont toujours un bras dans leur veste, et toujours une belle veste, hein, parce qu'il faut faire chic, hein, ils sont des bandits, mais ils sont chics. Et en fait, la main cachée, c'est à sortir un couteau si vous les embêtez trop, quoi. Bon, évidemment, quand on devient des stars de la musique populaire, on ne peut plus aller en studio d'enregistrement ou aller chanter dans les beaux cafés avec un couteau sous le manteau, ça ne le ferait pas pour un public bourgeois. Donc les modes vestimentaires vont aussi changer, et ils vont s'habiller d'une manière plus normale. Ok. Mais en revanche, l'analyse de cette étude de cas rebetiko révélait des choses qui ne sont pas dans le cadre théorique de l'école de Francfort et d'Adorno. D'une part, le fait que cette musique ait été mise sur disque a permis à des musiciens de la mélanger avec plein d'autres styles de musique. Et là, il y a un exemple, je ne vais de nouveau pas rentrer dans les détails, mais il y a un exemple assez intéressant en Grèce, hein, vous savez peut-être... Vous connaissez un tout petit peu l'histoire de la Grèce moderne, de 67 à 74, qui est ce qu'on appelle le régime des colonels en Grèce, donc un régime complètement dictatorial, qui avait pris le pouvoir, qui avait supprimé la démocratie et qui avait pris le pouvoir pendant 7 ans. Alors, ils n'étaient pas tous des Lumières, donc ce n'est pas un régime qui a duré, une fois qu'il n'a plus été soutenu par telle ou telle grande puissance, ça s'est effondré. Mais n'empêche que pendant ces années 67, 68, 69, qu'est-ce qui arrive en Grèce par la bande? C'est la culture contestataire. C'est la culture de mai 68, avec tout ce qui est musique rock contestataire, un Bob Dylan ou ce genre de personnes. Ça arrive en Grèce, et là, il y a un musicien grec qui est encore vivant et encore une icône musicale en Grèce aujourd'hui, qui est Dionysios Savopoulos, qui lui a mélangé le style de Bob Dylan avec le style rebetiko. Et il n'aurait jamais pu le faire s'il n'avait pas eu accès au disque. Parce qu'il était arrivé trop tard pour rencontrer ces musiciens qui souvent n'ont pas eu très longue vie. Ils avaient un mode de vie pas très hygiénique, hein, donc ils sont morts assez... C'était un peu des rockstars avant la lettre. Et donc, Savopoulos, lui, il a connu le rebetiko parce qu'il a pu consulter les 78 tours, les 45 tours, les écouter. Et il les a mélangés avec le style rock contestataire, folk rock à la Bob Dylan. Et il a fait des chansons engagées contre le régime des colonels. Donc ça, c'est pas du tout Adorno. Grâce à la médiamorphose, on peut mélanger les styles et avoir un message qui n'est pas du tout pour soutenir les dominants et le pouvoir économique, mais qui au contraire qui est là pour créer un nouveau style musical de contestation. Donc ça, c'est une nuance importante. La diaspora. Hein, les Grecs, c'est un peuple qui y a des Grecs en Grèce, mais il y en a beaucoup plus en dehors de la Grèce. Et grâce à ces disques, ben, les familles grecques émigrées aux États-Unis, émigrées partout dans le monde, pouvaient emporter, si vous voulez, un petit morceau de Grèce symbolisé par cette musique enregistrée sur disque. Et donc, quelque part, au niveau de la définition des identités diasporiques, la médiatisation de ce style musical va jouer un rôle très important. Je crois que le temps avant, juste un bel petit exemple, pour des raisons que je ne vais pas vous raconter, je me trouvais à peu près à l'époque où j'écrivais ce mémoire, justement, tout à fait à l'époque où j'écrivais ce mémoire, j'étais au Congo, donc au Congo belge, pas le Congo français, et dans une zone qui sortait tout juste de la guerre à ce moment-là, et on s'était, m'étant baladé, j'arrive à un truc, d'abord je me dis, c'est une hallucination, quoi. Un village qui ressemble à... On est vraiment en plein du côté de Kisangani, à l'est du Congo, et un village est construit comme un village grec, des petites maisons blanches, une église avec... La peinture n'avait plus été remise depuis longtemps, vous savez, des petites styles de petites églises, un ange bleu comme on voit sur les cartes postales. Je dis, c'est quoi cette histoire? Il n'y avait plus qu'un monsieur qui habitait dans ce village, qui était un grec, et qui expliquait qu'en fait, il était le dernier résidu, si on fait le résidu, c'est pas le dernier... De ce mouvement diasporique vers l'Est du Congo, des Grecs qui avaient fait fortune dans le diamant dans l'Est du Congo. Et ce qui était super important pour ce gars, c'était sa collection de vieux 45 tours de musique hermético qui continuait à passer. Il avait une sorte de restaurant, quelques personnes peut-être parfois manger, parce qu'il était vraiment très isolé, et il passait cette musique grecque vraiment dans l'Est du Congo. C'était complètement incongru, mais pour moi, c'est vraiment l'illustration de cette métamorphose d'une manière que le Cameroun n'avait pas compris. Et finalement, de métamorphose en métamorphose, cette musique rébétifo est un peu devenue l'emblème musical, l'identité musicale de la Grèce moderne, avec le bouzouki, etc. On n'a pas le temps de développer ici. Et toute dernière chose aussi, mais finalement, comment moi ai-je pu écouter du rébétifo? C'est quand même bien grâce au disque aussi. S'il n'avait pas eu des disques de CD de rébétifo à la médiathèque, je n'aurais jamais été mis en contact avec ce style musical. Donc, tout ça pour dire que par l'étude de cette étude de cas, mais pas menée n'importe comment, menée vraiment par les lunettes, puisque finalement, la catégorie, c'est les lunettes qu'on met en tant que chercheur, un microscope, pour reprendre le terme que j'utilisais tout à l'heure, comment j'ai pu orienter ma recherche et lui donner, à donner un sens aux données que j'ai pu recueillir en cours de recherche. Donc voilà, ça c'était pour les industries culturelles. Alors plus tard, carrément, 8-9 ans plus tard, après avoir fait toutes sortes d'autres choses entre temps, retour ici retour à temps plein en tout cas ici à l'université, je travaille sur une thèse de doctorat dans un sujet qui n'a absolument rien à voir. Dans un premier temps, je vais être honnête, je voulais revenir parce que j'avais envie de retravailler à l'université et donc je devais faire une thèse de doctorat. Et c'était pas possible de compter sur la musique pour des raisons X, Y ou Z, donc j'ai dû trouver un autre sujet. J'étais un peu dans la situation dans laquelle vous êtes, j'espère que vous n'êtes plus maintenant, par rapport à moi, mais dans laquelle vous étiez il y a quelques temps, choisir un sujet. Alors, mon directeur m'avait fait lire toutes sortes de sujets possibles. Je veux dire que rien ne me passionnait particulièrement dans ce qu'on m'avait proposé. Par contre, de nouveau, l'étonnement, j'étais hyper étonné d'une chose. Quand je comparais l'université dans laquelle je me trouvais avec celle que j'avais connue allez, 15 ans auparavant, c'est que les jeunes chercheurs qui étaient là, les gens qui avaient commencé un doctorat notamment, ils étaient très angoissés par une chose, ils n'arrêtaient pas de dire « Ah oui, mais ça ne suffit pas de faire un doctorat, si je veux une carrière à l'université, il faut que je publie, si je n'ai pas des publications dans des bonnes revues, dans des revues de qualité, je ne m'en sortirai pas, mais en même temps, je ne sais pas. » Alors, on leur posait la question, mais c'est quoi une revue de qualité? Où est-ce que tu dois publier? Ah ça, j'en sais rien, mais il faut que ça soit de qualité. Alors, cette question, finalement, cet étonnement était tellement fort que je me suis dit « Mais finalement, si je faisais ma thèse de doctorat sur cette question de la qualité des publications scientifiques, qui définit cette fichue qualité? Qui dit, parce que les chercheurs étaient incapables de dire d'où ça venait en fait, que telle revue, je simplifie un peu, mais que telle revue était de bonne qualité et telle autre l'était beaucoup moins. Et qu'avec telle revue, vous alliez avoir une super carrière, avec telle autre, vous pouviez retourner enseigner, et c'est pas péjoratif, hein, j'ai enseigné en humanité, j'ai beaucoup aimé ça, vous pouviez enseigner en humanité. Ok. Donc je me suis dit, ma thèse, je vais la consacrer à cette question de la qualité des publications. Et une notion très ambivalente, très vague. Alors, ce que j'ai dû faire, et je vais aller un peu plus vite que pour le rébético, parce qu'on a moins de temps, mais le raisonnement est un peu le même, comme la qualité pouvait être définie de mille façons, je me suis dit, mais c'est quand même un peu particulier. Je croyais naïvement, quand j'étais retourné à l'UNB, que finalement la recherche, on pouvait la faire sur n'importe quel thème, et que si la méthode qu'on utilisait, si la qualité proprement scientifique de ce qu'on faisait était bonne, on était considéré comme un bon chercheur, on serait publié et on aurait une belle carrière. Et là, je me rendais compte tout d'un coup qu'en fait, le fait de pouvoir avoir une carrière à l'université dépendait, bien sûr, il faut être un bon chercheur, mais ça semblait dépendre quand même d'autres stratégies. Il fallait pouvoir publier dans les bonnes revues, il fallait travailler sur les bons sujets, et tout ça me perturbait beaucoup. Par exemple, sur la musique, on m'avait clairement dit, écoute, si tu travailles sur la musique, c'est très bien, mais c'est pas avec ça que tu peux avoir une chance de possible carrière académique, parce que c'est un sujet trop éloigné des préoccupations majeures dominantes, hein. En sciences de la communication. Très bien. Alors j'ai commencé à me poser des questions pour construire un cadre théorique. Bon, évidemment, je me suis dit, tiens, quelles sont les disciplines, quels sont les cadres théoriques qui pourraient m'aider à définir ce qu'est la qualité d'une publication scientifique, et plus largement la qualité d'une recherche scientifique. Alors évidemment, j'ai lu des travaux d'épistémologie, on ne va pas revenir sur ça en détail, on en a un peu parlé la fois passée. L'épistémologie, c'est la discipline qui étudie la production des connaissances scientifiques, et ça, c'est une discipline qui va nous dire telle ou telle méthode sont plus valables que d'autres, qui va faire l'histoire des méthodes scientifiques. Mais je me rendais bien compte que ce n'était pas que ça qui faisait la qualité d'une publication, la qualité d'une recherche, et la possibilité d'avoir une carrière de chercheur. Ce n'était pas que la qualité scientifique et épistémologique. Alors j'ai commencé à lire des bouquins d'histoire des sciences. Et là, je me suis rendu compte que les sciences, contrairement à ce que je pensais très naïvement, elles dépendaient très très fort du contexte historique dans lequel elles étaient produites. Bien sûr, il y a des méthodes qui sont purement scientifiques et qui permettent de tendre et d'atteindre souvent l'objectivité, mais n'empêche, ce qui va faire que tel ou tel sujet de recherche va être plébiscité ou pas, va permettre de faire carrière ou pas, est lié à un contexte historique. Un exemple super général, mais ancien mais parlant, si vous pensez par exemple au développement des sciences au XVIe siècle, et que vous regardez un peu où se sont vraiment développées. Vous avez une idée? Il y a des gens qui veulent intervenir de nouveau? Donc, si vous réfléchissez un petit peu où sont développées les sciences au XVIe siècle, vous remarquez que beaucoup de disciplines scientifiques se sont développées à Venise. Et à Venise, au XVIe siècle, c'est la République de Venise. Elle bénéficiait d'un régime très libéral pour les scientifiques. L'Inquisition ne pouvait pas ou très peu y intervenir. Donc l'Inquisition, si vous travailliez à Rome sur des sujets litigieux, vous étiez vite envoyé au bûcher. Tandis qu'à Venise, c'était possible de développer plus librement des connaissances scientifiques. Donc là, on voit que le contexte scientifique joue très fort dans le fait de pouvoir faire de la recherche ou pas sur tel ou tel sujet. Par exemple, Vézal, le grand anatomiste d'origine belge, si on peut dire c'est un anachronisme, il a travaillé à Padoue, qui était une université qui dépendait de la République de Venise, et il est le premier depuis l'Antiquité romane à avoir pu disséquer les corps. Et quand vous allez maintenant à la vieille université de Padoue, c'est une chouette expérience que j'ai pu faire il y a quelques années, on peut vous faire visiter le petit amphithéâtre où Vézal, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, disséquer des êtres humains, morts évidemment, devant ses étudiants qui étaient pressés en bandelion sur des cercles concentriques et ils observaient le professeur qui disséquait le corps en pleine séance, en pleine leçon. Alors il y a une histoire qui dit aussi que pour avoir davantage de corps, il était très copain avec un juge et ce juge parfois retardait les exécutions ou les condamnations à mort pour que Vézal ait toujours un approvisionnement frais en cadavre. Okay. Sur ces considérations, la chose que je vous remarquez par cet exemple très fort, c'est que les sciences, que ce soit au XVIIe siècle ou aujourd'hui, elles sont tributaires du contexte historique qui leur permet ou pas de se développer. Sociologie des sciences, j'ai lu de la sociologie des sciences aussi, et là aussi je me suis rendu compte, notamment en lisant les travaux de Bruno Latour, mais de d'autres aussi, que être scientifique, c'est aussi développer des stratégies de carrière. Ça n'est pas ce monde complètement pur, complètement éthéré que j'imaginais naïvement. Il y a des stratégies de carrière, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Il y a une anthropologie de la science qui a montré ce genre de choses. Et finalement, toujours à la recherche d'un cadre théorique pour cette qualité de la recherche et qualité des publications, mais je me suis rendu compte que la qualité, c'était une notion clé dans les sciences de la gestion et dans les sciences du management. Là, on parle parfois de gestion de la qualité, quality management, où on parle plus largement de gestion de la qualité. Et je me suis rendu compte que c'était un concept très, très chargé en termes de public management, ce qu'on appelle le new public management, peu importe, mais donc l'intégration à l'université de techniques de management qui viennent du monde privé. Donc j'avais ces trois cadres théoriques qui viennent de l'épistémologie, de la sociologie et des questions de gestion, de management, la qualité comme outil de management. Et finalement, quatrième élément que j'ai rajouté à ça, je me suis dit, est-ce que finalement, puisqu'il m'apparaît que la recherche et les publications de recherche sont toujours, avec l'exemple historique que je vous ai donné, tributaires d'un contexte, tributaires d'une situation, on ne peut pas les appréhender complètement d'une manière éthérée hors de tout contexte, je me suis dit, je pourrais reprendre ce cadre théorique que j'avais utilisé avec le Remetico, la pragmatique. Donc, considérer une publication scientifique, pour la comprendre, il faut la considérer dans son contexte. Et considérer les relations qu'une publication, au-delà de son contenu, crée entre différents chercheurs, entre des chercheurs et du public non académique, entre des chercheurs et des industriels. Donc, vous voyez, j'ai récupéré là, c'est un exemple de réutiliser un contexte. Un cadre théorique que j'avais utilisé dans un tout autre recherche sur la musique populaire, un pragmatique, mettre les médias en contexte et voir les relations qui se créent autour de ces médias. Mais je me suis dit, ça sera pertinent, ça peut être pertinent pour étudier d'une manière un peu différente les publications scientifiques. Et finalement, c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai essayé de considérer dans mon cadre théorique les publications scientifiques rédigées par les chercheurs. Bien sûr, comme il y a un peu plus scientifique, on va pouvoir évaluer par rapport aux méthodologies et à l'épistémologie, mais aussi comme étant un moyen pour les chercheurs, tout à l'heure on a parlé de citation, d'avoir un impact sur des collègues, d'être cité, d'être lu, et parfois dans certains cas de communiquer des connaissances à à des personnes qui ne sont pas dans l'université, que ce soit la société civile, que ce soit l'industrie, que ce soit le grand public, des professeurs du secondaire, que sais-je. Donc je me suis dit, je vais appréhender les publications à la fois comme un contenu scientifique et une mise en relation. Et je vais les resituer dans des contextes sociaux et historiques et des situations spécifiques. On ne va pas rentrer dans les détails, une situation qui était particulièrement importante, c'est ce moment où un chercheur va être évalué pour savoir s'il peut avoir une carrière ou pas. Les chercheurs sont évalués pour savoir si d'abord ils peuvent être recrutés, puis s'ils peuvent rester à l'université, puis s'ils peuvent progresser à l'université. Enfin, c'est vraiment un métier où vous êtes évalué quasiment, on va dire en permanence, mais très souvent. Et j'ai essayé de voir dans ces situations d'évaluation comment on définit la qualité des publications. Comment on va dire, monsieur, vous avez des publications de très bonne qualité, vous êtes engagé. Madame ou monsieur, vos publications sont nulles, allez voir ailleurs. Ça, c'était vraiment comment j'ai construit cette question de recherche et ce cadre théorique. Ça va écrire les choses autrement. J'ai donc dès lors développé des concepts, je ne vais pas dire que je les ai inventés, mais c'est des concepts que j'ai un peu développés au départ de ces quatre théories que je viens de vous présenter en super raccourci. Quand je parle de qualité, je n'ai plus jamais parlé de qualité en général, mais je me suis chaque fois obligé à la distinguer entre la qualité épistémique, c'est-à-dire la qualité vraiment du contenu scientifique qui est développé dans la publication, et puis la qualité pragmatique. C'est-à-dire cette qualité qu'une publication a ou pas de mettre le chercheur en relation avec d'autres chercheurs ou en relation avec d'autres publics que les publics académiques. Donc c'est une manière dont j'ai affiné un concept de qualité, on est passé à qualité épistémique versus qualité versus et qualité pragmatique, et ça m'a été inspiré par mes lectures dans les différentes disciplines que je vous ai évoquées. Et puis finalement, la deuxième chose que j'ai décidé d'étudier, puisqu'on voit vraiment que la recherche, elle dépend de facteurs historiques et que la qualité, c'est aussi une notion importante en management et en gestion des universités, j'ai décidé d'étudier tout ce qui était les prescriptions, les définitions de la qualité qui nous viennent des managers, qui nous viennent des gestionnaires de la recherche à l'université, mais aussi au niveau national dans les politiques scientifiques, mais aussi au niveau européen. Il y a des gens qui définissent ce que doit être la bonne recherche, ce que doivent être les bonnes publications. Donc vous voyez comment, peu importe le fond, ici ce n'est pas le fond de l'histoire qui m'intéresse, mais vous voyez comment au départ d'une interrogation plus générale, j'étais franchement surpris, ça c'est pas une histoire que je raconte pour raconter sans histoire aujourd'hui, j'étais surpris de voir des jeunes chercheurs s'inquiéter, alors qu'ils étaient dans leur thèse depuis 3 ou 4 mois, s'inquiéter de savoir où ils allaient devoir publier. Ça, 10 ans avant, personne n'en parlait dans les sciences humaines. Donc c'est ça qui m'a surpris. Donc je me suis dit, comment définir la qualité? J'ai fait des lectures en histoire des sciences, en sociologie des sciences, et en quality management, les théories de la gestion. Ça m'a amené à redéfinir, à reconceptualiser la qualité, en distinguant la qualité épistémique et la qualité pragmatique, avec ces théories de la pragmatique dont je vous ai parlé, et puis étudier les prescriptions des managers sur la recherche et sur les publications. Vous voyez comment on peut développer des concepts parfois, je ne dirais pas tout à fait originaux, mais personne, à part dans cette thèse, ne parle de qualité épistémique des publications. C'est pour ça que c'est hyper original, simplement, j'essaie de vous montrer comment j'ai inscrit ça dans toute une série de cas théoriques, et c'est ma dernière diapositive, juste pour illustrer ça, pour vous mettre un peu de concret sur ce que je vous ai maintenant expliqué de manière. C'est plus théorique que je n'avais dit tout, évidemment, une publication scientifique. S'il fallait être articulé, vous voyez là, c'est dans l'Antiquité, bien sûr, c'est une reconstitution du 19e siècle, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, où entre parenthèses, il y avait quasiment autant d'ouvrages que dans la bibliothèque des sciences humaines actuelles. C'était quand même une bibliothèque assez impressionnante. Et là, vous voyez les publications, c'était des rouleaux, un schéma à l'époque, et vous voyez que ces rouleaux, ils ont un groupe de scientifiques, mais qui mettent en relation des chercheurs. Alors, ce sont les ancêtres des chercheurs, ici, chercheurs de l'époque grecque, qui ont 1500 ans, qui se réunissent autour des publications, qui se mettent en relation, qui discutent. Mais ça reste des relations purement internes à la recherche, ça ne sort pas de la bibliothèque. Tandis que la grande question qu'on se pose aujourd'hui, y compris à l'UNT, et ça c'est l'affiche d'un colloque qui a eu l'an passé sur l'évaluation de la recherche, justement, c'est faut-il, quand on évalue un chercheur, tenir compte de la manière dont ce chercheur et sa recherche a ou n'a pas un impact en dehors de l'UNT. Est-ce qu'il faut en tenir compte ou pas? Et c'est un énorme débat. Certains disent non, c'est juste la qualité scientifique qui compte. D'autres disent, ah non, au contraire, si on finance des chercheurs, c'est quand même pour qu'ils apportent quelque chose à la société. Je caricature le débat ici, mais tout ça pour vous dire que ça, c'est les deux pôles finalement de ma réflexion dans cette thèse de doctorat, et ces deux images qui peuvent un petit peu symboliser ça. Mais l'essentiel, c'est vraiment que vous compreniez que j'essaie de choisir deux exemples super différents. Le rebetiko avec des Grecs qui grattent le bouzouki dans un coin pourri d'Athènes, et puis des scientifiques qui développe des publications à la fois pour développer des contenus scientifiques, mais pour essayer de rentrer en relation, avoir des stratégies de carrière, publier dans les revues qui comptent. C'est des sujets hyper différents qu'on peut aborder par les sciences de la communication, mais la démarche, la constitution d'un cadre théorique adéquat, le fait d'avoir un bon microscope conceptuel, de procéder à une bonne généalogie des concepts et d'être un douanier rigoureux des concepts, et dans les deux cas, ça se fait de la même façon. C'est vraiment ce que vous devez essayer de faire aussi dans chacun, dans chacune de vos recherches pour les mémoires que vous avez développées. Voilà. C'était pas l'intérieur de mort. Il n'y a pas de...